adamadenw ɲɛsinnen don diɲɛlatigɛ ko in de ma, an bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ an b'an ko don diɲɛ in na. E bɛ ka min hasidiya o, a ka nɛma in kan o, e b'i ko don nɛma in na, ale b'a ko don nɛma in na. Don dɔ la an bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye ko saya, an bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye su. An bɛɛ bɛ ta ka taa da kaburu kɔnɔ komi an kun tɛ yan. An bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko Ala Taala ka fɛn min sɛbɛn an bɔgɔ la, an b'o de sɔrɔ. An bolila den in kɔnɔ don dɔ la, an bolila den in ko cogo cogo, an ka da la k'a fɔ ko don dɔ an b'an kɔ don diɲɛ in na. N'i miirila ninnu na walahi, i miirila i dayɔrɔ la, i miirila i ka fini na, i bɛna taa mun fɔ Ala ye i lahara jɔ don, i bɛna taa mun fɔ Ala ye, n'i miirila o la walahi i bɛ ɲina mɔgɔw kɔ. N'i miirila o la i bɛ janto i yɛrɛ la, n'i miirila o la i bɛ jɔrɔ i yɛrɛ kun na, i bɛ yɛrɛ ɲina mɔgɔw kɔ. Mɛ adamaden mun de b'a to i bɛ mɔgɔw hasidiya? I ɲinɛna o yɔrɔw de kɔ, i ɲinɛna i dayɔrɔ kɔ, i ɲinɛna lahara jɔ don k'a fɔ k'e bɛ jɔ Ala ɲɛkɔrɔ ka ɲininka ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen na. E ɲinɛna k'a fɔ ko saya bɛ yen, e ɲinɛna k'a fɔ ko saya kunu bɛ yen. Ni adamaden sara k'i bɛ kunu, i ɲinɛna nin bɛɛ lajɛlen kɔ. Adamaden mun de b'i bila nin na? Diɲɛ kanu, diɲɛ kanu, ne fa bɛɛ k'a fɔ ko ale, ale ka se ka ko bɛɛ kɔntorole, ko bɛɛ ka bila ale sago kɔnɔ. Ne o de bɛ mɔgɔ bila ɲɛngoya la, o de bɛ mɔgɔ bila bɛnsɔngɔnya la. Mɛ waati dɔw tɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen a b'i ye ten dɔrɔn ko ma deli ka tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ, ɲɛngoya yɛrɛ bɛ se ka minɛ. Ɲɛngoya bɛ bɛɛ la, mɛ mɔgɔ min bɛ se a ta kɛcogo la o de ye hakilima ye. O tuma na Ala m'an siran a ka ɲɛngoya cogoya la, Ala k'an dusukun saniya ka bɔ ɲɛngoya ma. Ala m'a to an ma ɲɔgɔn kanu na Ala kama. E balima sijan t'an na dɛ, n bɛ sa ko min fɔ i ma kɛ. Ko fɔ diɲɛ in kɔnɔ i n'a fɔ komi an ma deli ka na diɲɛ in kɔnɔ. Don dɔ Ala Taala b'an tɔmɔ ka bɔ diɲɛ in kɔnɔ ka kɛ komi depuis Ala k'an da an ma deli ka na diɲɛ in kɔnɔ. O tuma na anw kɛ kun ka ɲɔgɔn tɔɔrɔ mun na? Mun de kosɔn anw ni ɲɔgɔn ɲɛngoya? An ka da la k'a fɔ ko an bɛ ka ɲɔgɔn ɲɛngoya fɛn min nɔfɛ, don dɔ an bɛ sa k'a fɛn to an kɔ yan. Subhanallah, an b'a dɔn k'a fɔ ko laban don bɛ ko bɛɛ lajɛlen na. An b'a dɔn k'a fɔ walahi e min bɛ ka tagama i sen fila kan, don dɔ b'i sen fila in cɛ ka b'i kɔrɔ k'a siri juru la, k'i tɛgɛ fila siri k'a da i kan, k'i meleke fani jɛmanin dɔ la ka t'i sɛri wonin dɔ kɔnɔ dugukolo kɔrɔ, ka tila u bɛ ɲɔgɔn dan bɔgɔ kɛ la i sanfɛ, k'i da tugu ka tila ka boli k'o kɔ don i la tuguni. I ka miiri nin dɔ la dɛ balimakɛ, i ka miiri k'a fɔ i balimakɛ min bɛ ka fara i kan, walima i fadenkɛ min bɛ ka fara i kan, walima i dugulaka min bɛ ka fara i kan, walima i ka kabilaka min bɛ ka fara i kan, walima i ka jamanaden min bɛ ka fara i kan. I fadenkɛ, i jugu tɛ, i dɛmɛbaa de don, a dɛmɛ i se dama yira la. Walahi n'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka sigida kɔnɔ an bɛɛ bɛ taa ɲɛ. E kelen ka taa ɲɛ o tɛ sigi, o tɛ taa ɲɛ. An bɛ ka taa ɲɛ o de ye taa ɲɛ. O la an b'o sɔrɔ tagama dɛ. Bari n'an y'o sɔrɔ tagama, an ka d'a la k'a fɔ ko an tɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ Ala fɛ. Wa an ka da la k'a fɔ ko aw de bɛ kɛ maa bɛɛ lajɛlen ka koma ye. Subhanallah. E duguden ɲuman caman taara ni mɔgɔ ye fɛrɛ. Dɔw bɛ yen o siranna. Tɛlima k'u siranna. Nɛma min yɛrɛ b'u bolo. Walahi u dɛsɛlen don ka nɛma yɛrɛ manifeste. I bɛ mɔgɔw ye. Walahi n bɛ ka kisa de f'aw ye. U bɛ siran ka sigi farafinw cɛla. U bɛ siran ka sigi anw ka Afirikanw cɛla. Walahi. A b'a perifere ka taa sigi siya wɛrɛw cɛla, a b'a perifere ka taa sigi kabila wɛrɛ mɔgɔw cɛla, a b'a perifere ka taa sigi kafiriw cɛla, k'a balimaw to yen, a balima farafinw n'a balima afirikɛnw, a b'a perifere, a kana sigi olu cɛla, a b'a perifere n'olu ye. An ka kow ka ca, an ɲɛ jɔlen don ɲɔgɔn na kojugu, an ɲinɛnen don an yɛrɛ kun kɔ. E yɛrɛ kan ka min kɛ i bɛ taa ɲɛ o siraw tagama ba, balimaw to yen, mɔgɔw to yen, min de b'a to an bɛ taa ɲɛ balimaw. Min de b'an to an bɛ taa ɲɛ? An ka dusu ta ɲɔgɔn fɛ, an ka baara kɛ, an ka ɲɛbɔ ɲɔgɔn fɛ, an kana ɲɔgɔn ta tiɲɛ. Alahu akibaru, alahu akibaru. E man nɔ, problème bɛ dɛ. Adamaden bɛ siran yɔrɔ o yɔrɔ, a kan ka sigi ka fara a balimaw kan, k'a tin don ɲɔgɔn na, a bɛ siran ka sigi o fɛ, o k'e ka mun kɛ? Ko vraiment n'i sigira o cɛla, o ka ko ka ca, an tɛ ɲɔgɔn fɛ. An tɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ. Waati jumɛn de ni anw bɛna se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tagama sira minnu n'u o bɛ se ka ɲɛta don anw kun an ka ɲɛnamayaw kɔnɔna na e badenw waati dɔ sera sa dɛ waati dɔ sera an ka murumuru ninnu bɛɛ lajɛlen to yen an ka ɲɛ tɛmɛ ɲɔgɔn kan an y'a lajɛ an ka ɲɛ ta bɛ se minnu b'an bolo siraw tagama n'o kɛra anw bɛna kɛ nation nation bɛɛ lajɛlen ka kɔta de ye kɔta tɛ nation min kɔ anw bɛ kɛ o laban de ye a bɛ fɔ bi bi in na bɛnbɛnbaw de bɛ balimaw bolo ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma fadenw de kɛlen don ka bɛnbɛnbɛn ta ɲɔgɔn kama sigida kelen mɔgɔw de kɛlen don ka bɛnbɛnbɛn ta ɲɔgɔn kama misiri kelen mɔgɔw de kɛlen don ka bɛnbɛnbɛn ta ɲɔgɔn kama egilizi kelen mɔgɔw de kɛlen don ka bɛnbɛnbɛn ta ɲɔgɔn kama jamana kelen mɔgɔw de kɛlen don ka bɛnbɛnbɛn ta ɲɔgɔn kama pour que dɔ ta bɛ tiɲɛ dɔ ta bɛ ɲɛ subhanallah mun de b'o kɛ hasidiya bana e balima hasidiya man ɲi dɛ hasidiya de bɛ sigida ci pepepepepepe hasidiya de bɛ balimaw fara pepepepe hasidiya de bɛ balimaw kɔniya don ɲɔgɔn na. Hasidiya de b'a to mɔgɔ bɛ se ka taa baara jugu kɛ i mɔgɔ balima la. Hasidiya de b'a to mɔgɔ bɛ se ka hɛrɛ ka i yɛrɛ kelen dɔrɔn i tɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka hɛrɛ sɔrɔ i yɛrɛ kelen dɔrɔn kɔ. Hasidiya de b'o kɛ. Sinɔn ni ala ka mɔgɔ mɔgɔ ye k'a fɔ ko i dusukun jɛlen don i farila jɛlen don i kɔnɔ jɛlen don hasidiya t'i kɔnɔ ka ɲɛsin mɔgɔ mɔgɔ ma i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ b'i entourage la a bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ i ma a bɛɛ lajɛlen bɛ hɛrɛ dɔ sɔrɔ ka bɔ i la walahi i furumuso bɛ hɛrɛ sɔrɔ i fɛ i denw bɛ hɛrɛ sɔrɔ i fɛ i yɛrɛ bakun bɛ hɛrɛ sɔrɔ i yɛrɛ bakun na i balimaw bɛ hɛrɛ sɔrɔ i fɛ i ba n'i faw bɛ hɛrɛ sɔrɔ i fɛ i sigiɲɔgɔnw bɛ hɛrɛ sɔrɔ i fɛ i ka jamanadenw bɛ hɛrɛ sɔrɔ i fɛ diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen bɛ hɛrɛ sɔrɔ i fɛ nka ni dusukun nɔgɔlen don ni hasidiya b'i dusukun na e yɛrɛ tɛ hɛrɛ sɔrɔ i yɛrɛ fɛ surutu maa wɛrɛ ka hɛrɛ sɔrɔ i fɛ bawo i ko ne kelen dɔrɔn i kelen n'a tun bɛ kelen kɔrɔ i kelen n'a ɲɛnabɔ balima an ka segin kun an ka segin ka gɛlɛya kun filɛ nin ye. Mɛ foyi ma min kɛ miiri baliya saya la ka dɔn k'a fɔ ko don o don an bɛ ka sɔn ɲɛ ka taa an ka kaburu de ma wala kaburu sunjo kɔlɔ amali an ka dayɛlɛ k'a fɔ kaburu y'an ka baara kɛsu de ye an ka baki baara baki o de ye kaburu ye n ye fɛn min kɛ n b'o de sɔrɔ n ɲɛ kaburu kɔnɔ e balimaw hasi bɔ anw fɛ komi kabini an to hasabu a ye jate bɔ aw yɛrɛ kun nɔfɛ yanni aw ka ala bɛ jate bɔ aw nɔfɛ dɛ. Balimaw balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen walahi baara in tɔɔrɔ bonyana o de y'a to n kumana a kan baara in degun bonyana an ka sigida kɔnɔ o de y'a to n kumana a kan n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ baara in de jɛnsɛnnen don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ walahi adamadenw de bɛ wuli ka mobili ta walima wuli ka tagama ka taa balima lajɛ fɛn min tɔɔrɔ min b'a kan k'o ye o bɛ ka se ka lakale cogo sɔrɔ o la. Mɔgɔ dɔw bɛ bɔ yan fɛ yan olu de bɛ taa so n'u taara so f'u bɛ dugu ka yɛlɛ yɛlɛ bawo n'a y'a yɛrɛ fɔ kɛnɛma dɔrɔn mɔgɔ dɔ bɛ kojugu k'a la afiriki sigida filɛ nin ye ala ka kɔrɔ musow de bɛ fi kɛ an ka taabolo ye nin ye k'a fɔ k'an ka dugu den ɲuman dɔ filɛ nin ye an ka dugu maaba dɔ filɛ nin ye. An ka dugu den bɛ se k'an dɛmɛ k'an bɔ nɔgɔ la anw kɛlen don k'a bɛɛ lajɛlen don kalama na k'a bɛɛ lajɛlen ta tiɲɛ denw bɛ yan walahi u bɛ Ameriki yan faso b'u bolo hali olu yɛrɛ kɛlen ka tɛmɛ Amerikɛn yɛrɛ kan mɛ walahi u bɛ jamana in kɔnɔ n b'a laɲini u kelen ka taa u ka dugu la n'i y'a dɔw yɛrɛ ɲini karisa e bɛ jamana in kɔnɔ san joli e bɛ jamana in kɔnɔ san mugan i delila ka taa a ma deli ka taa dɛ o tuma na papiye de t'i bolo ka taa papiye bɛ n bolo n ye papiye sɔrɔ depuis n nana n mɛna a ka ca san 15 mɛ mun y'a to i ma taa e a tɛ se k'a bɛɛ f'i ye parce que min b'a ɲɛ sɔrɔ a b'o dɔn juguya kelen min kɛlen don a ɲɛ sɔrɔ a b'o dɔn bɛnsɛmɔniya min kɛlen don ka kunbɛ sɔrɔ a b'o dɔn dabalijugu min kɛlen don ka pi ka kunbɛ sɔrɔ a b'o dɔn so i bɛ taa walahi a dɔw la i t'a la i bɛ min yɛrɛ kɛ. I kuma cogo kɔlɔsi i tagama cogo i ko kɛ cogo i fɛn bɛɛ i bɛ fɛn o fɛn kɛ i bɛ kɔlɔsi don nin bɛɛ lajɛlen na sinɔn dɔ bɛ kojugu k'i la o ye yɔrɔ kelen ye o kuma bɛ fɔ yɔrɔ kelen min na o y'a firi kelen an b'a ka kɔrɔ a firi kuma a ye tɔ an farikolo fiyɛ ne cogo min an dusukun kana fiyɛ ten dusukun kan ka jɛ de. Mais mwota nyasira ya mkwiso mwado ime maala ere sosowa doko ote nyak ingali mwishalma mwishalma mwishalma mbaya mwishalma mbaya alhamdulillah alhamdulillah ingali mpuruke ika afwa mkosore akuma la nini nite niye udiye kami mwere itanga polo kire tangana kire tanga hiro kono si ufolo kleni ere di kono kini fira kula je mwote koso nabi ina yi ya akubu ya fo adeko yinu kuka duta di fira ufe okama duta kile ufe suno kenyo wanka ubi nemari uche tamo kenyo wanka ubi nemari matara misara bolo maika mwoturu so mwoturu mfini mo ko rabbi bisira mo turu suru ba bisira la ba bisira la retro a ayira mo fi le mo bi ba mo turu mo san ka ayira mo wala ko ba bure no fe na mo ko ni mo turu mo ka ayira mo wala e mo turu sa ba duru wa no wa ta du na wa ta e mo turu mo di ba bo ka ayira mo wala pro ki mo ko ka don ka fo ke mo turu sa ba wa ta no du na wa ta o no du na wa ke e ro du mo turu na mo ko ni ukora ere de ki yere bla ere de ka fo mo ngi na ayi na ni ha shi di ro ni ka mo tru bi tela adi ya fa mo ala ta ra ko ita ne ma ka le ka ne ma ye ila wa ala ka ne ma di ala ko ni na te ni mo chi a pe bu mo ko mo mo ko ro de mo wi bi yere ya ke ni aka ne me ka yere ya ke ni ayi donc o ko ro e o ti na mo ko de ka yere bla ni ko yi ko na na o ke mo ko pa ju ma ka so mo bu ko la ru ti na mo ko apa oke koro ti ka fo ma ko ka fo ti ka la ka ne ma do do mo fo ana ko koro di di ka ko ko koro di ka si ne ma in manifeste ko na ndaro ni in ndaro ayo la dia ko ko so a fo ne la re inshallah fa me la ado ko ma yo la ndaro ni ni ko ma me ne ma mi ni ala ba ti ma in se ka si ne ma in ke to wala i ka si ne ma in ni to wala a ni o ni mo oke wala pa o ni ma si ne ma mi na to wala o do e ju ma ni I va pour carrière à Michelin ou ta mère toi avec inchallah voilà pour ta mère toi donc là quand même ma fille c'est que c'est même une mère toi là il comme il est la casque quand la tire quand là ou il a cherché à se dire moi bien à se dire quand même comme bon tu connais hadith par le bay Allah rabbi sallallahu alayhi wa sallam aku utlubu alhawaij bil kitman fa inna kull bi ni'mat mahsud Allah rabbi qaaka hajulakum ika hajulakum ni hadith fi aka hajuwa ko kwaya nyimimi duwe ika ku importante ika nafa ko bawo kango nyimimi duwe kwanga do sa inda kulladhi ni'mati ko bir kitman kwanya nyimimi duwe fa inda kulladhi ni'mati kwanga do demo dema ni alaba di alaba dema ko mahsudu ko hashidia bra do ba Allah akbar Allah akbar donc ko ore ko samba fo don fo ba fo ala bi nyama mi bi ma iji e ka fi nyama e manifeste ke tu la iji ta i ka fi nyama e ke tu la i ka rata nyama e ke tu la tu go ya bi nte si ka ke sobe e kambo go bu i tu ya si ya kambo oi ya kambo mi sa la kolo ma si ta e me go bili pa kono si sa e re nye ba la fantani do ve ni ale ba fi na i te lke do go i te pe koro do go ina bela jere de sene ak ñoo fe cete ale e na na se ibi ka mobili bala e na na jo ka mobili fitri digi e ka baro ke na ale e ka mobili pun jonna na ale bi taama na fe na mo fa re ha ka mo ja ta ka tu bele ta ka tu re ta ka tu re allah akbar or bi ci ka fa re te na do na do mi ci so ko na ta ngo fe tu mo lu ko na mi baro ke ñoo ka lu ko ke ñoo fe aso natu wallahi re ya ci so ko yi amen wala way fra joka mo grijo ko mo ko ka ka fo ko mo di babe e bulu o te ira ira e se ko e chef muta wallahi ko ko u bi tiri e mo ko bla ira ma ko mo ke ka ti ya no ko mo bu na ori mo ko ko ka du bi di fra ti fam ya doni na la ka ne ma ti ba i ji e ka se ne ma e manifeste cho i ji e ka se ne ma e gire chola i ji e ka se ne ma e ke chwa la wallahi ne ma e ke chwa te fo e ka la barka da aka kandema ita kadusra sesra mini ala jene nunae uti ira ira sraire uti ira bunye sraire uti ira korota sraire ala ka nɛma sɔma o k'u yɛrɛ bonya ni nɛma ye mɔgɔw k'u hasidiya u ka yɛrɛ bonya kama nɛma yɛrɛ kama tɛ dɛ yɛrɛ bonya min b'o la ka sɔrɔ olu ka nɛma min sɔrɔ donc n badenw yani karamɔgɔkɛ filɛ ka bɔ ka ɲininkali min kɛ c'est très très important ko alakira sɔlalahu alayhi wa salama ko fa inna kulla bi ni'matin ko nɛma o nɛma n'an b'a sɔrɔ ko hasidiya bagaba la adamaden bɛ nɛma o nɛma sɔrɔ hasidiya dɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen ni a hasidiya bɛ mɔgɔ min na i kana fi ka o lafiya o. Donc, à la marque de la Mama, mama, kita berbeza mikir dengan ini kali ke? Insyaallah, mana kaya Linda ini? Nah, okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mipula, be, ana imam pula. Insyaallah, Allah. Malam kala imam ke kapte ko anna community ko no la be signale ala me am metu la am bela den ma na yo ma ma aka ko ni me ke su no mule re anna community ko no ko kala na su wa ba mo mo na be ka ba ko ni me na me na su no ama metu la am bela den ma Amin. Ala me ambe kanara ka bona sidia ma. Amin. Me me fa ole ole. Bo, mi kali me bene bolo. We bena na musula sigira bile ma kwa. Dani e mato dume e ni urgo usro ko ura pelo ni e. A dume e tile na e tile sawa u tile na ni tile dume. Okay. Ni moment that you not the new la ha bo ka ta fi de ta da am be ka lo sa ku ka de gore ya ko la ku ya ko ka se est-ce que parce que à la période mataba est-ce que c'est le cas où dans la union ma question me vole au sa on est que voilà mais c'est pas ça quand tu montres par exemple musudo yi à la période yi la c'est le worole Mais carreau de cela, à ta la faute de l'État, à bas la période, il a toujours. Ok. En bas, au Capoco, le mien au Kayana, qu'on a Timina, à Gaté de Woro, car vous êtes tout court, car Djagaré n'est pas comme ça, c'est lui. Mais de nous, il était là toujours. Est-ce que c'est le Capo d'Ala ou Niawa? C'est-à-dire que, n'avait-ce pas de la blessée pendant l'île, avait-ce pas de retardé, avait-ce pas de la trace, ou bien avec des ou sa faute de l'île? Nous sommes à la période de la télé-war n'a le cas la période y est, à bien dans le voir le ma, à du corps avec celui. Maintenant, après avoir fait cela, c'est le voir en intimina, à talent à la faute de l'état, mais à ce cela tenait à la ambec alors qu'à vos grands mots, quand il y a à la date période qu'à à caracas pour qu'à celui. Maintenant, comment à ce cela, est-ce que celui qu'à pour d'ara au signeur? I was a little bit of a problem. I don't know if you can see it. Eta sura ni juli bana ledo, bana juli ledo. Eta sura o juli, oni regli juli teke klenye. Yafa mu, fo mwa oko difransi do. Men ni aya sura kafoko tuzuru. Kafoko noko, nebe nga hadewe toka nga haida yet le zuri. Donko mit le zuri te mwadron. Donko okore mi mime na okofe, ubele gilenye juli wera de oni don. Non. Donba oko, okuma mi sepatile le donba oro la kosure ni fer oko. Dormaniti haida jiri ya nita frotowe ya leba ata ikile sama drone ya famu doba ata ikile sama ama ikile sama drone ke haida laka haida bitike kaluwe tukuni wete doze doere binu wete le fla drone ye donk doma koko li sali nge akad li ha adetem wala li aksari ha adet kakoko no wete haida yi dormani ni fakat li woro li bo namo bo yani ake jete no otey wano fakat chaya tang. Ok, jadi ini aku nunggu untuk umat jadi kuala. Lepas aku dijadi, kau, bermana nak selera ye telur kau, telur lebih tu kita ada. Wan mat luar lebih tu kau, abis luar di periode kira lu sebenarnya hal tapi jadi, abis tu jadi kuah ayam itu. Madam mas kau pun di perang kita ni perang. Menak kita pada tuh di sistem, orang perang kita ni kita tidak sila sila, itu sila. Maintenant, on a ce qu'il y a là, quand on peut banal John Lebo, on a dit qu'on s'est dit que tu vois du stade, comme il y a une analyse planable, quand on le ressent, on a dit qu'on a un détail du matin, mais maintenant, on a dit qu'on a exclamé du mané. Là, on a dit qu'on a un banal John Lebo, ça, je lui m'a dit qu'il y a un petit peu de bon. Donc, on a dit qu'on a un petit peu de bon, c'est tout dit. Il y a là, on a dit qu'il y a un petit peu de bon, on a dit qu'il y a un petit peu de bon. On a dit qu'on a un petit peu de bon, on a dit qu'il y a un petit peu de bon, on a dit qu'il y a un rien dans toutes les solatines, donne-moi un peu de fond. Après, il y a un peu de temps, c'est le droit qui est venu de la guerre. Après, il y a un peu de temps, c'est le droit qui est venu de la guerre. Après, il y a un peu de temps, c'est le droit qui est venu de la guerre. Après, il y a un peu de solatines. Là, il faut dire que c'est lui. Donc, on a besoin de lui, c'est le droit de la guerre. Après, il y a un peu de temps, c'est le droit qui est venu. Il y a un peu de temps, c'est le droit qui est venu de la guerre. Donc, donne-moi un peu de fond. Après, on a besoin de vous, ma clinique. Donc, on a fond. Après, il y a un peu de temps, c'est le droit qui est venu de la guerre. Ina kwa sababu sulta wudu, mwa mbe ina kwa nyingine bana bala. Wano mwa mbe ina kwa bana waro bala, bana minuni akasendi mwiche. Ina kwa bana mwoni ya ukacha. Toko ula ama kwa wati ina kutu solati na bute jita. Mwa mwa so u bana jiguni mwote kwa mwa lamba kwa mwono. Iwe sewe sewe sewe sana ni nafra no. Ukati na mwa kakaya yuse niye. Nae sewe sana seli. Nae sewe sana seli ni abe ase sewe sana ni nafra fra no kade. Abe sele fana seli de, abe aku kan sele fana seli. Ni lansara fana seli, abe ayere saniya ka lansara fana seli. Yoko amu dufo asik mwoni ni, nonko ya tatahar wa hinda kulli salati. Abe ayere saniya, seli wakati kiri gilem kula kirena. Ula jatela, insha Allah fana, bidin lilla ina alaka jenya fana doku natawu. Doku natayina, ani bidin lilla, madam kanga wafruke. Donc on a dit que la peut-être abina kakuma abina bon muka ka wala pendant que soyez possible on sait qu'à former sera la toi abina on met ça à wajulu ke à ka possible wajulu metalique ni babu ina possible parce que nous tout parler de babu ina katemeka donc babu famia ba lila possible possible katemeka donc a bɛ babu in domaine in dɔn kosɛbɛ ɔɔ ale fana ye sariya de kalan olu ye musolakaw ye donc a bɛ babu in domaine dɔn ka tɛmɛ ne kan donc n'an bɛ ala deli ala k'an bɛ sababu ma a ka walandaw bɛna bɔ a kan n'ala ka jɛ inshallah. Salamu alaikum balima. Dabi famna. Wallahi n b'a faamuya ko nin kɛra n ma barayila ko ala kɔni ka ala ma mɛn cogo ɲuman bɛɛ lajɛlen na. Alhamdulilayi imam don. Wala babu kɔnɔ ne tun bɛ fɛ ka. Alo imam. Voilà, je fais quand même faire le droit au dé avant de faire le comme mon nom, la famille sous le nom de mon nom, avant de faire avec Julie Rang de Sanya, n'a pas donné à propos pendant Julie. Parce que il parle maintenant sur la haine de Julie, mais n'a pas donné à propos pendant Julie, au courrier avant de Sanya Dron, avant de Sanya, il va couler sur la chine. Voilà, avec ce dit de ta Dron. Ka yɛrɛ saniyanina fɔ adamaden yɛrɛ saniya ka bɔ ɲɛgɛn na cogo min walima palamɔ taga la cogo min a b'o yɔrɔ dɔrɔn de saniya a t'a fɔ k'a bɛ taa ko wagati bɛɛ lajɛlen walima k'a fɔ a bɛ gɛlɛba ko wagati bɛɛ o tɛ dɛ a b'a yɛrɛ saniya de dɔrɔn i n'a fɔ adamaden yɛrɛ saniya ka bɔ ɲɛgɛn ni balakɔ tagaw la cogo min na ka seli donc a b'a yɛrɛ saniya don cogo a la ko wagati kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na donc ni komi mɔgɔ min ɲɛgɛn fana b'a la ɲɛgɛn baara nin i t'a sɔrɔ a bɛ bɔ a la wagati bɛɛ lajɛlen a bɛ bɔ a la wagati bɛɛ lajɛlen. Voilà, on va faire donc là, à tout à l'heure, c'est qu'à tout niveau des familles sur un peu comme nous. Donc, on la femme est en ouvert des deux pour qu'il fasse passer le cadeau aux familles. On n'a pas un fond de grand nombre de copies de vous, Mila et qu'à celui qui n'a pas la nuit en train de me on a à ce que la mort avait fait le son à celui, mais avait fait le titre à celui de son ni dans sa France, elle avait fait le titre à celui de son ami. Donc, au cas d'un des cas, on a mangé ce réveil. Mais à ce qu'à propos de son jeune Lena, à Kahaïda Boaki Bana. Mais joli bɛ ka continuer à la asɔrɔtɛla k'a fɔ ko joli min bɛ ka bɔ o joli ye bana joli de fa ta yɔrɔ in faamu kosɛbɛ o joli ye bana joli de dɔtɔw ko ko a b'a yɛrɛ saniya ka bɔ o la komi a b'a yɛrɛ saniya ka bɔ ɲɛgɛn na cogo min donc o la a bɛ seli n'a k'a yɛrɛ saniya k'o yɔrɔ ko ka jɛ a bɛ seli ta sisan ka sɔrɔ k'a ka seli kɛ ni nasira fana nana se o cogoya kelen na a b'o cogo de kɛ komi mɔgɔ bɛ taa ɲɛgɛn utiliser cogo min a b'o ɲɛgɛn utiliser de k'a yɛrɛ saniya k'a ka nasira fana seli. Mais quand vous avez la salle, vous avez fait le travail de travail parce que par le jour, vous avez fait le travail de travail. Donc, vous avez fait le travail de travail. Vous avez fait le travail de travail. Vous avez fait le travail de travail. Vous avez fait le travail de travail. Vous avez fait le travail de travail. Vous avez fait le travail de oui, allô. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Fadema do Brahim Kalike. Ibo la Sinaka. Donc, Inch'Allah, on a la question de ce qu'on fait. On a priorité dit, on a même pas de madame de Maluma. Donc, Pempenia Pekaini Kalike, Aleni Kalike, notre imam Koumani Mengambi, Angalan de Tajulu. Ambeta Juli, amma mogo moro, angkalan shaman pali kumam nufoni, nati kokan, ayi pali pali kokan, natu kokan, ayi tiri do kokan, natu kokan, ikoni pa African de rosun, a shaman shaman do ikal male li singela, a shaman hali kia popi kira matangkala wati pe, alin tura, yiro do lu, anjin tura misi pula ro do, angka itu du, pada patu dia kanka ale kuma suka dike adon na kuma do na fram dare la ni kuma ra tu ke fra ba gire la a grup puro o an ko ni kamelo a chama chama do imam ka do me fanya si sen ni ki tere do lu ma wallahi allah ta di padene allah ta di padene e kama so an kamana do ni galla wala ko ko uli ada pade ma pala wala wuli ala bade tu na palula ne wati dara ndo soni ka fot ki so mon la nyam ko ekla mon la nyam ko ekla iya ra ka ko bi ben taw kala ka ko ti boyila iya ina tu sa iwo buila ni ma te bo ko tu a akuma ka chede akuma ka sha akuma ka sha don ba ni bal ka la imam nye ka bal ka la nye a ro ni man chamandi ro ni man chamandi mais comme nous sommes tous un monde bras proactif, beaucoup de l'occasion, tant que l'on a proactif, on va le faire, chaman, couchaman, proactif là, dans le rapproche, où les douilles, les manques, les attaques, les pommes, les coups, les attaques, les attaques, les attaques, les attaques, les attaques, les attaques, les attaques, les attaques, les attaques, les attaques, les attaques, les attaques, les attaques, les attaques, les attaques, les attaques, les attaques, les attaques, les attaques, les attaques, les attaques, les attaques, les attaques, les attaques, les attaques, les Donc il peut couper qui va pour qu'ils soient abonnés. Il n'y a pas de cas, c'est très bien d'ailleurs. Voilà, il n'y a pas de cas abonnés. Et le premier, il couille bien d'un aller. Donc pour le cachia, mais c'est pas pour tous les gens qui disent c'est pas pour qu'il a remonté. Donc après tout ce que ça, les familles ou les proches ou les amis n'ont pas bien fait là. Et comme ils ont mis de la volonté à faire ça, donc sur le mandat de nous dire des caravanes de matanga. Dapari siluma, kapen matangka jina jituma, kapen matangka nya jituma, kama lakila kusula sama ko, amantun siya mana jantaro ye, ayin nanti duga di bule nyaji, adapati ya nyalo do nyalo kakan, siya ma siya ma dite fakuti ema, donko isya Allah, umra barka bla imam ni, donko, utapone, Ok, kibarka, Maud, ambal mame linda, mina leka linda ele, wala kumile nika katamba, inshallah, mina ka linda ele, sisa. Ambal ma, salamu alaikum. Wa alaikum, salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, mikro mikro. Imam, salamu alaikum. Wa alaikum, salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ketumi. Bon, il a eu la on a la science. Mais c'est le classique, on a la bonne classique, on a la liste là. Mais il n'a pas parce qu'il fait des mandats, ça maintient tout le temps. Bon, moi, je gagne un carré, on est mort à quelqu'un à Yaké. Bon, on a trouvé un homme, on a quelqu'un à Kaï. Il vous tient sur le papier qui a pu fuir. Donc, moi, il a eu quoi? Wa alhamdulillah, mais il a eu. Bon, mais nous faudrons, à la croix que sallallahu alayhi wa sallam, à quoi j'ai l'été l'ardu masjidan, à la croix que sallallahu alayhi wa sallam, à la croix que sallallahu alayhi wa sallam, à la croix que sallallahu alayhi wa sallam, à la croix que sallallahu alayhi wa sallam, à la croix que sallallahu alayhi wa sallam, à la croix que sallallahu alayhi wa sallam, à la croix que sallallahu alayhi wa sallam, à la croix que sallallahu alayhi wa sallam, à la croix que sallallahu alayhi wa sallam, à la croix que sallallahu alayhi wa sallam, à la croix que أخرجوا إلى الأرض لطهورا على كرا على كرا يدوقوا السميع على كرا مانتوني يوم يرو مثل واتي كفر في كسرين كنا بنا يوم تمنا عند الدنيا كدو رجوا دوا إلى كوفا يوم ورا كتا يرشيكي يوم باس كتا سنا ورا منو ده نابلو ورا ده سلي تدو أمي رونا نابلو ورا منا سلي بيني ورا بنا جرينا يا فمو سلي بيني ورا بنا جرينا Donc on fait nos rêves, on va tous les sentir. Or là, nous nous sentons. On se met à avoir des regards, mais des yeux qui sont or là. On y fait nous pour voir la façon dont ils sont montés. N'importe la façon qu'on y est encore monté. Ou à faire comme on veut, dans ma idée, pas tous les jours. Ou bien on monte sur la chaleur or là. N'importe tout le meilleur que fait que le content de minier le corps ou de. Ça arrive à dire un capara no rolling que le fanaté. Ni la façon qu'on en a dans le classique qu'on a. On a jeté la fruit au colonel de l'éducation. Bon, à mes mains, Fanafofana, quand on peut faire donc là, il était brillant là, à la craque à l'issue de Sallallahu alayhi wa sallam, avant de gagner au barème. Donc, on est là, quand on a mis qui était un papier, Fanafofana, quand on a mis le papier, pasi foyi t'o la ani o papiye bɛ fili o kɔ ni papiye tɔ bɛɛ lajɛlen ni tuguni o bɛ komi dugu kɔnɔ ni foyi t'o la o bɛ fili ani o papiye bɛ se ka fili yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na o kana kɛ papiye de ye papiye min ye ala tɔgɔ b'a kan ala tɔgɔ bɛ papiye min na o de tɛ se ka fili donc ni sinon mɔgɔ bɛ fili yɔrɔ dɔ la sisan bagan bɛ jɔ ka ɲɛgɛn kɛ mɔgɔ bɛ fili yɔrɔ dɔ la adamaden dɔ bɛ jɔ ka ɲɛgɛn kɛ k'a yɔrɔ la sisan donc o b'a yira k'a fɔ ko baasi foyi t'olu la mais min ye min kan ala tɔgɔ i bɛ ka fili min kan n'a sɔrɔ ala tɔgɔ b'a kan i m'a ka fili o de kan o mɔgɔ tɛ fili ala tɔgɔ kan donc fo k'olu olu k'o walawala an bɛ fɛn min fɔ ani fɛn min bɛ kilasi kɔnɔ n'a faamuyalen don baasi foyi tɛ kilasi kɔnɔna na mais n'i bɛ seli i bɛ jija i ka seli kɛra ka na i bolo kasi walima fɛn dɔ b'i bolo fani dɔ b'i bolo a kana lankana na i b'o da i ka seli min k'a kan baasi foyi t'o la ni mɛ k'a fɔ ko min bɛ fɛn dɔ bila i tɛ yɛrɛ ye tɛ biri yɔrɔ la ala kira sɔla alayhi wa salam a y'a fɔ ni hadisa dɔw la ka bɔ o ma ani ni cogoya caman ye donc an bɛ ala deli ala k'an bɛn sababa ma donc foyi t'o la k'a fɔ ko min bɛ seli papiye min yɛrɛ fana kan n'a sɔrɔ i ka papiyew de tugu tugu ɲɔgɔn na i ko i fɛn dɔw de kan baasi foyi t'o la donc i b'i jɔ kibiri ko min turu yɔrɔ min na ni papiye bila o yɔrɔ la i bɛ seli baasi foyi t'o la ani mɛ i tɛ turu yɔrɔ papiye i ka papiye dɔ bila yanni an t'a kɛ ko gɛlɛn ye mɛ min cɛ ka ɲi k'i tɛ turu dugumala la o de cɛ ka ɲi ala ma bɛ nafa wɛrɛ ma i lafiya ala tɛ baro la fo n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko min i tɛ turulen a bɛ na ni tɔɔrɔ dɔ y'i ma donc o la an bɛ se k'a fɔ papiye i bɛ se ka papiye utilise baasi foyi t'a la n'a sɔrɔ k'a fɔ i bɛ se k'i tɛ turu yɔrɔ dɔ la a bɛ se ka na kɛ sababu ye ka mura bila i la walima a bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana dɔ las'i ma donc an b'a fɔ o la n ko papiye bila o pour que mɔgɔ dɔ alɛrizi bɛ dɔw la donc i bɛ taa sɔrɔ fana mura bɛ se ka dɔw minɛ parce que pusɛri bɛ se ka kɛ dugumala la wa dɔ la mura bɛ se k'a minɛ donc o la an b'a fɔ n ko degun kama e bɛ se ka papiye utilise baasi foyi t'a la ala ma mɛn nafa wɛrɛ ma n t'a dɔn n'i ye ka ɲininkali in faamu. Allo. Naam. E naam. Naam. Ouais, allo comme Bolalima Boladina. Ouais, ouais. Inch'Allah. Ah, ouais, voilà, je vois qu'on a. Assalamu alaikum. Vraiment, n'y a pas de diable à son bien, à côté de l'air. Ok, alhamdulillah. Fami a ko sɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ ni ce ni baraji an bolo yan ye n bɛ se ka kɔ komi denbaya ko i ma musala an ma ale kuma ni musala ko bɛ lajɛ la bi kɔnɔ an bɛ denbaya bɛɛ lajɛlen fɔ inshaala o ye n'a yira ko bɛɛ lajɛlen fɔ baara ka ma ko fi inshaala baara ka ma ko fi baara ka ma ko fi k'i fɔ kɔnɔ maa sama musala naam. Ayi man salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatulah wa rahmatulah sako sa. Balimakɛlen bɛ min na min ye ɲininkali kɛ ayiwa komi sama wɛrɛ fana bɛ ka salati k'a kɔnɔ an ye lɛri fɔ a fana ayiwa n'an bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ka lin ta wala i bɛ se k'o ɲɛfɔ walima n'an bɛ se ka o bila kalon wɛrɛ kɔnɔ inshallah an bɛna hakɛ da ye badenma fɛ komi sa bɔn an bɛ se ka sɔn la waati wɛrɛ la. Ayiwa o mɔgɔ joli bɛ min. Alo. O mɔgɔ joli de bɛ min ta. Mɔgɔ kelen. Balima salamu alaikum. Alaikum salam. Ayiwa mikoro b'i bolo i bɛ segin ka ɲininkali kɛ. Ok salamu alaikum n bɛ alimami fo la. Alaykum salam wa rahmatulahi. Jɔn kɔrɔ. Ne ka kuma n bɛ ka nɔnɔ in da komi yan. Ni mɔgɔ bɛ se k'i zɛn o seli papiye kan zɛnɛya ni papiye bila kan fɛn bila kan n'o b'i bɛn n'o tɛ bɛn n'o tɛ bɛ k'o dɔn kuwa ko mɔgɔ tɛ seli ala y'a tɔgɔ kan mɛ zɛnɛya dɔ ye papiye bila kan tɛ fɛn bila kan ni mɔgɔ bɛ seli a kan a y'a dɔn k'a bɛ papiye bila kan mɔgɔ tɛ dɔn kan. Karamɔgɔkɛ bɛ se ka fili ɲininkali in kan n b'a mɛn ko sofa. N ko. Alimami. Badema kule ko ni newspaper n'i bɛ se ka installer newspaper ko kan journal i kana journal dɔ bɛ kɛra sisan photo y'a kan quoi est ce que i wala yɔrɔ dɔ sɛn comme anu mɔbili laburula dɔ sɔn waati dɔ n'an taara garanti la i b'o garanti dɔ la sisan c'est à dire tapis te ye bon carton t'i bolo est-ce que ni journal ni bulu ñama be ci ka journal ñu ta ka alala ti ka ko min ta bi bi ci kay do kan kay sali wa bari mala ñu kan yorom na lele wol ay wa alhamdulillah donc ami mi fo dron bebe do de roi corona wa ka ke feñe femi mi ala sro ala to ke mi na na sro ka fo ko mala to bala ala to kan ka bu ina ala to ko da ro ci du mala ni a fo ko ala to ko da du mala la ko ko ke e ka Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Donc on va m'occuper à Kani Boy. Donc on va y aller là kafou. Il vient à faire une date à faire là kafou. Il doit aller dans la kafou pour à faire une nuit aussi. Il a fait le corona. Il a fait une tournée. Donc surtout photo. Les photos bas là kafou. Photo nous. Ami photo bas là. Monsieur photo ni monsieur ni de faire quoi de qui n'aimera le nous photo ni critiquer la table bas là. Donc on va y aller faire kafou pour le tournée. Le faire faire fini. Donc ami le faire fini. Voilà, Je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Nous avons fait un peu de temps. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Imam. Naam. Iko baga na ni kali kentra lo kami bari make na na ni kali ro lo ten ka ten ni buso mini la dala. Yala ni la da sanga adati provoka. Kami kaya kita so miyam ka kapi se ka tania taler taler na ya sala kan ka tania le. Ko yala o bulu mo eski buna ti bete ka tamana ke tewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yami ayam wa kukun nada jurite. Nada jurite ka kukun jurite do. Nada jurite jumane we regli. Ni reglite. Donko ni reglite na mula ka atila ka nitrafiko kukun okun ike regliye. Nye pasado de tigela akurana. Parce que quand il doit ouvrir que tu ne pas dans la journée à dormir parce que le passager de l'autre qui est là qu'on en a ou le meilleur de jour il n'a qu'on en a ou qui lui veut bon dans avec à l'église il n'a pas toujours haïda de l'autre donc on a avant pour une autre haïda là mais c'est quand même un âge qui s'est battu pour tout là à la main de la soirée là moi même il va la force la mort quand il y a un char là où n'a la carte j'ai un char là où mais ça va Aïcha abina ay fay ka kuma nu detail ka muso e na la ka je am bela je ni an furte o bela je o ke fami abi ka so babu ina kusbe kusbe a na la ka je abi ka suda no man kala o ke mo ko ke ka fami so ni babu ina ma ni ala so ya rabbi ala ka fami o ni mambi amma an la ni ni ko ni ni go bela ko ni ka ni ni kala o ye ka o ko mi ni ka i ni ki ita fa bajila donc on me jazou de tenir ka bo fin a babu ka bo kosoe al haid wal nifas a babu ka bo kosoe mi ne regli a ni wolu juni ko ki bari au babu vile le bari do donc on a bon nous te se ka kuma kan ka wasa ka fere kosoe o yu musula ka ore donc on insha Allah o ni alaka jene mi an ka bo muso inuwe a isha insha Allah o tina kuma ni nabu ita bi izni li ahi ama yini tonno muso bena kilenfe amani ni furuke o bela kile fe amani ni atama ti bela kile fe o ka la me ko sobe o bena famia so ala abena ke famia jon jon ko so mo o se ko sa no bela so ala na la kaje ala me hera ke na o bela kile ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mera inshallah o kami wati fira dana so no inshallah anna barka bla imam ya kab abo teaser ma kade wadina anka lo bibi badu di o teni ka lo tam ma pne anna radio super la wallahi ler kile ni tibi saba anka lo di wata ke sama so tafu montani anna ma dine ba ke unna patu no wanju lo kata mi tafu yamba ta ko anmo ma ko la ma jamba ba ke sama wara ma ko na ko imam la ko ma ba jamba ma pe ke souvent c'est quand tu imam la dam la ko jifa ma ha mi ti matin de pleu ya kan ka amanye ka ti ma ko la sieste tombe donc on ka la ko ko ye ne ma ba ti on fait la sieste tombe et on va faire comme la yen après la ti ba le frère la wajib ko ba ne ti da so ma inshallah toy aisa ti ko yamba ko ni na so na ma inshallah o frère amba ko ko ka blaro ba ko ko ma no ba ko ma sal ke no ka ko ay na so wa tama ka do ka ni ka ma gro wa ti tama so ni ke ko mara mo tuna ko ka ambalama ambalama ba ni so donc inshallah musa di imam di do ke ani bita imam islam ala inshallah imam na inshallah a fuli bie ala ki bala di ala ki sara ewa su jambala donc amena sara di mena vina do ok o kofe na la sona amena sara di ma amena kamala watu wera na la ukubla si kona wassalamu alaikum wa alaikum assalam السلام ورحمة الله أتمنى إن شاء الله أنه بلا جلوفو ما هو ما يا تسريك أما بنيك أما يلي على فيها ربي إلا بني فرا يا رب ألاكا كي أفهمي ألاكا أكي ما فاسكوي يا ربي ألاكا كي ما كنولي ما منو فلاكم يا ربي ألاكا أبارا نوعيني يا ربي أما يلي على فيها ألاكا كيفك أبو عاشي يا فورما يا ربي ديكو بما منونا أنت لاح يا ربي ألاكا دينكو ديني من دوما ألاكا دين باركلين ديانو بلا جلوما وأمين وبيني على سرقة فوق يعني وأمين سفوق على كفور مغاوي منو فنا فولا على كونو على كونو كفور قرنو مولي ما يني على سبحانه وتعالى فإن كل جناب ما من عن جل على كاسوي وأنو في مجلني أمين أكو جل ممي من يا ربي على كبر جل كامين أكو ولي كبان ولي كبا أمير جل كام ما يني على سبحانه وتعالى فإن بنا بماو ملا يا ربي على كشنيا دي أكيدين برا جل ما ada gilaan yu mo maka ya fi ala ka gilaan wuri ka bwata daro fi ala ka na bonko ni mandi an ci ngulen kena ci rema ala ka na bonko ni mandi an ci ngulen kena ci rema ala ka be so wa ma porta ni ceta ni ngani ya taw kena ci rema so na me na me ci na bela ci rema funa to ko e ma ha me mi do an ci mi ba kena ci rema funa to e me bela ci rema fo ka bo fo Texas ka bo Arizona ka bo Atlanta ka na New York ka na fi Michigan an yere fi Michigan ya Detroit out there, I'm on Philly info. Katafo, yani Chicago, I'm in Philly info. More than that, no big Kawuleli Kekaboro. Karafefo, Wario. I'm in Philly info. I'm not fully recognition in Philly info. I'm on in the Alafia, Rabbi, Alakano, Ben, Wawama. Fortunately, Kisani, and Yato, Philly info. Alakan, Kamu, Nyona. I'm in the Akatluma, Jola, Wamba, I have to move away. Ana do bawo ni shu anitne na do waye alamiyan ka funyo kani ni ajin safe amma ni ne ko Allah subhanahu wa ta'ala ko ya rabbi alaka na ko fu arjina ko to wala kuma na ko ni ka ci si fami ki ngene to na tele ma adam ne karim ko ni na ka famu ya ni musa ko ni na be para na ana ka famu ana fu ni ka ci ni si abdara tele ma ari mamad wa fi ana ka famu na ko ni ka ci ni dara tele ma kabakita na kafamu ya Allah kuliwe kakafira kile ma kawere na sita na kafamu upele kile ya ni Allah kuliwe kakwe na alima kore alima kumama na kuliwe kakwe afira kile ma katumata samata na kuliwe kakima na kuliwe kakwe ambalu wake kama ma kakwe jakia na kademaya na kuliwe kakwe mpele kile ma ni sili saramu anaka kutembaya na kuliwe kakwe mpele kile ma ya ni Ani mbadimu, omayi ya kwa ufu, ni mindo anti mindo wa mbao pelati lefu mbao kachalina Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.